إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc aujourd'hui c'est le cours numéro 60 dans l'explication du kitab al-tawhid avec le sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan et donc aujourd'hui on va expliquer une parole de, ou c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa an Omar radiallahu anhu, anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal, la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasuluhu, akhrajah. Donc ça, ça veut dire, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté selon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'exagérez pas dans ma glorification de la façon que les chrétiens ont exagéré dans la glorification de Isa ibn Maryam. Je ne suis qu'un esclave ou un serviteur d'Allah, alors dites serviteur d'Allah ou messager, ou son messager. » C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. الشيخ يزيد قوله وعن عمر المراد به عمر بن الخطاب ابن عمرو ابن نفيل العدوي القرشي ثاني الخلفاء الراشدين وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع فهو عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام والمسلمين وفتح الله على يديه الفتوحات في المشرق والمغرب حتى اتسعت رقعة الإسلام في الأرض وله من الفضائل الشيء الكثير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن جميع الصحابة رضي الله وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين لشيخ الذي De qui on parle quand le cheikh dit selon Omar, c'est Omar ibn al-Khattab, ibn Amr, ibn Nufayl, al-Adawi, al-Qurashi. Le deuxième parmi les Khulafa Rashidin est le meilleur de cette Umma après Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu an il-Jamir. Il dit que Omar ibn al-Khattab, c'est un des hommes par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a donné la puissance et la force à l'islam et aux musulmans. Parce que c'était un sahabi qui était très fort, il était connu pour sa force et son courage, d'accord. Même avant l'islam, les gens le craignaient, les gens avaient peur de lui à cause de sa force et de sa personnalité et son courage. Et quand il est devenu musulman, eh ben ça a amené beaucoup de force et de fierté aux musulmans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait que par ses mains, il y ait beaucoup de conquêtes, hein, qui ont été faits dans l'Est et dans l'Ouest, dans le monde à l'époque. Donc il y a eu à son époque, lorsqu'il était le Khalifa, il y a eu beaucoup de conquêtes et le territoire de l'Islam s'est élargi d'une façon très vaste durant sa période. Aussi, le Cheikh il dit qu'il a beaucoup de mérites, il a de nombreux mérites, et donc il dit que Allah soit satisfait de lui, et qu'il soit satisfait sur tous les sahaba et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour dernier, de la meilleure façon. Le chef il dit ensuite أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني هذا نهي منه عن صلى الله عليه وسلم عن الإطراء في حقه والإطراء هو زيادة المدح والمبالغة فيه كما هي عادة بعض المداحين من الشعراء وغيرهم وهذه صفة ذميمة فإن كثرة المدح والزيادة في ذلك منهي عنها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره ولكن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم لأن ذلك يؤدي إلى الشرك والكفر فإن الغلو في مدح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يؤدي إلى الشرك كما حصل للنصارى واليهود حينما غلوا في الأنبياء للشيخ الزيك Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tatrouni » et ça c'est une interdiction de faire ce qu'on appelle « al-itra » par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que ça veut dire « al-itra » le mot « itra » ça veut dire d'exagérer dans la glorification de quelqu'un, de glorifier quelqu'un d'une façon extrême, d'une façon exagérée. Et donc, ça c'est l'habitude ou c'est l'habitude de certaines personnes qu'on appelle al-maddahoun parmi les poètes. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Peut-être Allahu a'lam l'intention qui est derrière, pourquoi ils font ça, mais des fois ils vont voir un roi ou quelqu'un qui est haut placé, puis ils font un poème pour le glorifier. Et ils disent dans ce poème plein de belles choses à son sujet et ils mentionnent plein de ses qualités. Des fois même ils en inventent pour exagérer dans la glorification. Donc c'est une caractéristique qui est mauvaise. C'est pas une bonne caractéristique d'avoir cette caractéristique-là, le fait d'exagérer et de rajouter des glorifications lorsque tu parles de quelqu'un. Et ça c'est quelque chose qui a été interdit au sujet par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam et par rapport à d'autres en dehors que du prophète, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'exagérer dans la glorification de quiconque. Mais quand on parle des messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ben c'est pire encore, c'est plus grave, c'est plus dangereux, parce que le fait d'exagérer au sujet de la personne des messagers et des prophètes, ça fait tomber les gens dans le shirk et dans le kufr, comme c'est arrivé pour les gens qui ont glorifié les autres prophètes parmi les juifs et les chrétiens par exemple. Eux, ils ont tellement glorifié et exagéré au sujet de certaines personnes que ils sont tombés dans le shirk, ils les ont élevés à des niveaux de divinité et donc ils sont tombés dans le shirk à cause de ça. فما معنى قوله لا تطروني يعني لا تزيدوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم ابن مريم النصارى المراد بهم أتباع عيسى عليهم السلام قيل سموا نصارى نسبة إلى البلد الناصرة في فلسطين أو من قوله تعالى قال الحواريون نحن أنصار الله وهم أهل ملة من الملل الكتابية ويسمون بالنصارى أما أن يسموا بالمسيحيين كما عليه الناس الآن فهذا غلط لأنه لا يقال المسيحيون إلا لمن اتبع المسيح عليه السلام أما الذي لم يتبعه فإنه ليس مسيحيا وإنما هو نصراني فاسمهم في الكتاب والسنة النصارى كما أن اليهود نفروا من الاسم الخاص بهم أو نفروا من الاسم الخاص بهم في الكتاب والسنة وهو اليهود فسموا أنفسهم إسرائيل وإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام فليسوا هم إسرائيل وإنما هم اليهود وهذا هو اللفظ الموضوع لهم الذي ربطت به اللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى بسبب كفرهم بالله وعنادهم وتعنتهم فهم اليهود نعم يقال بنو إسرائيل ك كما سماهم الله بذلك لأنهم من ذرية يعقوب عليهم السلام في الغالب وفيهم أناس يهود ليسوا من ذرية إسماعيل ومن ذرية إسرائيل ولكن الغالب عليهم أنهم بني إسرائيل وعلى كل حال لا يجوز أن يقال إسرائيل وإنما يقال اليهود أو يقال بنو إسرائيل الشيخ الزي que la signification de « la tatrouni », ça veut dire « n'exagérez pas dans ma glorification », comme les chrétiens ont exagéré dans la glorification de Ibn Maryam. Et le mot en arabe pour dire les chrétiens, c'est « al-Nasara », al-Nasara, le mot en arabe. Des fois, ils le traduisent par les Nazaréens, ou des fois, quand ils parlent de Jésus, ils disent « Jésus de Nazareth ». D'accord? Donc, à cause de ça, on les appelle An-Nasara, ceux qui suivent Isa de Nazareth, Jésus de Nazareth, de cet endroit-là qui s'appelle Nazareth en Palestine, ou Nasra en arabe en Palestine. Il y en a d'autres parmi les ulama qui ont expliqué que on dit Nasara parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, قال الحواريون نحن أنصار الله. C'est-à-dire les apôtres, ceux qui ont suivi Jésus, ils ont dit nous sommes les supporters ou les gens qui défendent Allah subhanahu wa ta'ala ou la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils font partie des groupes, des religions qui ont reçu un livre. Okay? C'est pour ça qu'on les appelle Ahlul Kitab. On les appelle Nasara. Aujourd'hui il y a des en arabe, dans le monde arabe, les arabes libanais ou les Libanais chrétiens ou les Égyptiens chrétiens ou les Syriens chrétiens ou les Arabes chrétiens en général, ils s'appellent pas par le terme Nasara. Et il y a beaucoup de musulmans qui ont commencé à les appeler Masihiyoun. Le terme Masihiyoun pour dire ceux qui suivent Al-Masih. Et le Cheikh il dit que c'est pas correct de les appeler Masihiyoun. On doit les appeler Nasara comme Allah les a appelés dans le Coran et dans la Sunna Nasara. Parce que Masihiyoun, c'est seulement pour ceux qui ont réellement suivi Isa à son époque et qui ont été sur le message qu'il a amené tel quel, sans l'avoir modifié. Et qui ont, bon, par la suite, ceux qui étaient avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont réellement suivi Isa ibn Maryam al-Masih, eux sont des Masihiyoun. Mais ceux qui ont suivi un message qui a été déformé, qui est contraire au message d'Isa, comme ceux qui croient à la Trinité ou des trucs comme ça, on les appelle Nasara. Ok? Puis ceux qui sont aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, sont des Nasara. Sont des Nasara. Salibiyoun. Les Salibiyoun, pourquoi? Parce que c'est des gens qui adorent à Salib. C'est des gens qui adorent la croix. Puis aussi par rapport aux croisades. Croisade, ça a tout un rapport avec la croix aussi. Le mot croisade, ça vient de la croix. Donc, wallahu a'lam, je pense que c'est ça, mais si je me trompe pas. Mais toujours parce que les chrétiens, ils adorent la croix. C'est comme une idole pour eux. Ils la mettent dans leur cou, comme une sorte de porte-bonheur, ou comme quelque chose pour les protéger. Ils croient que ça a un pouvoir. Quand ils prient, ils se mettent à genoux devant la croix. Des fois, sur la croix, il y a une représentation humaine comme soi-disant Jésus, comme ils croient eux qu'il a été crucifié, donc tu vois il y a un homme sur un morceau de bois qui est dessus, des fois il n'y a pas de représentation, seulement le morceau de bois lui-même, et c'est devenu un symbole de cette religion-là. Pourtant Isa alayhi salam lui-même n'a jamais demander aux chrétiens de porter ce symbole-là ou n'a jamais dit que c'était un symbole de la religion de Dieu. Hein? Même si tu lis dans la Bible des chrétiens aujourd'hui, dans les Nouveaux Testaments, tu vas pas trouver un endroit où il dit que les gens doivent, par exemple, porter ce symbole et que c'est un symbole de la religion de Dieu. Nulle part. Hein? Au contraire, comme souvent des fois les chiens, ils ont dit, mais subhanallah, c'est par ce moyen-là qu'on punissait les criminels. La crucifixion, c'est une manière dont on punissait les criminels dans la Torah, c'est une des lois. Puis même dans l'islam, il y a la punition de la crucifixion pour certains péchés. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. Donc ça dit la punition pour ceux qui ont combattu Allah et son messager et qui ont fait le désordre sur la terre, qu'ils soient tués ou qu'ils soient tués ou crucifiés. Non, en deuxième, c'est qu'ils soient crucifiés. Donc, ça veut dire il y a cette punition-là même dans l'islam pour certains, pour ceux qui font le désordre sur la terre. D'accord? Mais ça, c'est en degré, comme ça a été expliqué par les ulama dans les livres de fiqh et dans les livres de tafsir. À propos de Qutta'a Turuq et des choses comme ça. Les gens qui font du désordre sur la terre. Ou bien pour les terroristes aussi. Comme par exemple, une fois, je me rappelle quand j'étais en Arabie Saoudite, il y avait eu un attentat terroriste quelque part, puis ils ont puni les responsables de cet attentat, ils les ont exécutés. Et il y a des élèves qui disaient « Ah, comment ça se fait qu'ils tuent un kafir, ils tuent un musulman pour un kafir ?» Parce qu'on n'a pas le droit dans l'islam de tuer un musulman pour un kafir, mais il y a un autre frère qui était là qui lui a répondu. Il a dit, ils n'ont pas appelé, ils les ont pas exécutés pour un qisas. C'est-à-dire, ils les ont pas exécutés parce que c'était la loi du talion qu'ils appliquaient sur eux. Ils les ont exécutés avec le verset de Al-Ifsad fil Ard. Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada. Donc ils ont mentionné ce verset-là à la radio, qu'à chaque fois qu'il y a une étape, quand on applique une punition, ben il y a aux nouvelles, il y a quelqu'un qui lit le verset selon le péché ou selon le crime. Si c'est un vol, ils vont mentionner le verset de ça, ou bien si c'est un autre crime, ils vont mentionner le verset. Mais là, ils vont mentionner ce verset-là, c'est pour dire que celui qui fait du terrorisme, il fait du désordre sur la terre. Et donc la punition pour lui, c'est qu'il soit exécuté. Peu importe qu'il ait tué un musulman, ou qu'il ait tué un kafir qui est musta'man, ou qui est mu'ahad, un kafir qui a une entente de paix avec les musulmans, ou qui a un contrat ou une entente avec les musulmans, qui est rentré dans le pays en sécurité, on n'a pas le droit de le tuer ou bien d'atteindre à son honneur ou à ses biens, ou quoi que ce soit de ce genre. Parce que il est rentré en sécurité et il est sous un pacte ou une entente avec les musulmans. Donc c'est l'exemple, juste pour vous faire voir que, une petite anecdote en passant pour vous montrer que le terrorisme ça rentre dans l'ifsad fil ard et ça s'applique, ce verset-là s'applique sur eux. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est dans surat al-Ma'ida ce verset. Ok, donc on ne doit pas les appeler Masihiyoun, on doit les appeler Nasara. Et Allah les a appelés Nasara dans le Coran et dans la Sunna. D'accord? Aussi, il y a les Juifs. Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés Yahoud dans le Coran. Yahoud, c'est-à-dire les Juifs. Ok? Et c'est parce qu'ils sont les descendants de la tribu de Juda, parmi les tribus des Juifs, alaykoum salam wa rahmatullah. Et aussi, on les appelle aussi Banu Israël, les fils de Israël. Israël c'est qui? Israël c'est Yaqub, alayhi salam. C'est le prophète Yaqub. D'accord? Donc, on peut les appeler Yahoud, on peut les appeler Banu Israël. Toutefois, on ne doit pas les appeler Israël, comme eux ils se sont appelés Israël, comme si les Juifs eux-mêmes sont Israël. Mais Israël, c'est pas les Juifs, c'est Yaqub. Et eux, ils prétendent appartenir à Jacob ou suivre Jacob, alors qu'ils ne les suivent pas. Toutefois, ils sont les descendants de Jacob. Et certains d'entre les Juifs ne sont pas des descendants de Jacob. Ils se sont rajoutés aux Juifs, ils sont devenus Juifs par la suite, mais c'est pas, en général, sont des descendants de Yaqub, Bani Israël. Et cette nation, ou cette religion, les gens qui suivent cette religion-là, Bani Israël, on doit les appeler Yahoud, comme Allah les a appelés Yahoud dans le Coran, et il y a des malédictions et la colère d'Allah qui a été attachée à ce nom-là dans la révélation dans le Coran. Et donc, la raison de ça, la raison de ces malédictions et la raison de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est sur eux, c'est à cause de leur rejet de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et de leur obstination, du fait qu'ils s'obstinent à refuser de soumettre et d'obéir au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'ils sont toujours en train de contredire et de s'opposer au messager d'Allah. Et comme Allah a dit qu'ils ont tué plusieurs parmi les prophètes. Parce que chaque fois que les prophètes venaient pour leur dire, leur ordonner le bien et leur interdire le mal, ils les traitaient de menteurs ou bien ils les tuaient. Hein? Donc ça c'est des exemples mentionnés dans le Coran. Donc à ce sujet-là, de toute façon, comme on dit, on les appelle Banu Israël ou bien on les appelle Yahoud ou Juifs. كما أطرت النصارى أي كما غلت النصارى في مدح المسيح عليه السلام ابن مريم ينسب إلى أمه لأنه عليه السلام ليس له أب لأن الله خلقه من أم بلا أب بقوله كن فهو تكون بالكلمة من قوله فهو تكون بالكلمة من قوله كن ولذلك يقال كلمة الله لأنه تكون بها من غير أب فتكون بأمر الله سبحانه وتعالى حين قال له كن فكان بأمر الله وهذا سبب تسميته كلمة الله والله قادر على كل شيء فالله خلق آدم من غير أب ولا أم وخلقه من تراب بشرا سويا وخلق حواء من غير أم وخلقها من آدم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق عيسى من أم بلا أب وخلق سائر البشر من أم وأب ولهذا يقول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب فإذا كنتم تعجبون من خلق عيسى من أم بلا أب فآدم عليه السلام أولى بالعجب لأن الله خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فلا غرابة في قدرة الله فالله قادر على كل شيء ولا تتحكم فيه الأسباب وإنما هو سبحانه يتحكم في الأسباب والمخلوقات ويخلق ما يشاء ولا حجر على قدرة الله سبحانه وتعالى. Le Cheikh il dit, n'exagérez pas comme les chrétiens ont exagéré dans la glorification de Isa ibn Maryam, et Ibn Maryam, on l'appelle le fils de Marie. Pourquoi on l'appelle le fils de Marie? Parce qu'il n'a pas de père humain. Hein, il n'a pas été créé de la même façon que le reste des êtres humains qui ont un père et une mère. Lui, Isa alayhi salam, il n'avait pas de père. Il avait uniquement une mère, donc on l'appelle par sa mère. D'accord? Fils de Marie. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé sans père en disant le verbe impératif d'être, hein, en lui commandant d'être, et il fut. D'accord? Et donc, par cette parole, kun, il fut. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'il est al-kalima, c'est-à-dire la parole. La parole d'Allah, dans le sens que il a été créé par cette parole, kun, soit et il fut. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on l'appelle Kalimatullah. Il a été créé sans père. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé par son commandement. Il a existé par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verbe impératif du verbe être. Et ça c'est la cause pourquoi on l'appelle la parole d'Allah. Et Allah est capable de faire tout. Hein, il a le pouvoir sur toute chose et il est capable de faire toute chose. Il a créé Adam sans père ni mère. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam sans père ni mère. Et il l'a créé à partir de la terre, hein, et il l'a modelé, il a fait un être humain avec cette terre, et il l'a fait vivre. Hein. il a créé Hawa, Ève, sans mère, à partir de Adam. Donc, Allah il dit ça dans le Coran, il dit, il vous a créé d'une seule âme, hein, il vous a créé d'une seule âme, et il a créé de cette âme son épouse. Ok? Il a créé de Adam son épouse. Donc, Isa, il est venu d'une mère sans père, et la, le reste des êtres humains ont un père et une mère, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran l'exemple ou la comparaison de Isa par rapport à Allah, c'est comme l'exemple d'Adam, dans le sens que Isa, il a été créé yani seulement avec une mère, pas de père. Et Adam, lui, il a été créé de la terre, sans père ni mère. Allah l'a créé directement de la terre, il n'avait pas de père ni mère. Et donc le cheikh il dit, donc si vous êtes étonné du fait que Isa soit créé ou qu'il soit venu au monde sans père, alors vous devez être encore plus étonné de la création de Adam, alayhi salam, parce que Adam, il n'avait ni père ni mère, il a été créé de la terre, directement de la terre, hein. Ça c'est un plus grand miracle, c'est un plus grand miracle que de créer un être humain dans le ventre d'une femme, hein. Si tu vois un être humain qui sort de la terre comme ça, qui apparaît de la terre, tu vas dire, mais ça se peut pas. Mais si tu le vois qui sort du ventre d'une femme, tu vas pas être étonné parce que c'est naturel. Les bébés sortent par le ventre des femmes. Tandis que les êtres humains, ils sortent pas de la terre, hein. Donc ça, c'est un exemple pour voir que si tu t'étonnes de la création de Isa, alors étonne-toi de la création de Adam, alayhi salam. Allah l'a créé de la terre et il lui a dit soit et il fut. Donc il n'y a pas de raison d'être étonné de la création d'Allah et de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir sur toutes choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas limité par les causes et les effets comme les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui dirige et qui organise les causes et les effets. C'est pas lui qui est limité par ses causes et ses effets-là. Donc il crée ce qu'il veut. Il crée ce qu'il veut et il n'y a rien qui limite la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit: وكيف أطرت النصارى ابن مريم؟ قالوا إنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، ولا يزالون على هذه المقالة إلى الآن في إذاعاتهم وفي كتاباتهم. Le cheikh dit, et comment ils ont exagéré à propos de Isa ibn Maryam? C'était quoi l'extrémisme à propos de Isa ibn Maryam? Eh bien, l'exagération, c'est que ils ont dit qu'il est fils d'Allah, ou bien qu'il est Allah lui-même, ou bien qu'il est une trinité avec Dieu, comme un parmi les trois personnes qui forment la divinité, hein, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme ils disent, Dieu le Père. Pardon, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit selon eux. Donc ça c'est des exemples. Et ils restent encore sur cette aqida jusqu'à aujourd'hui, hein, ils enseignent ça. Et dans les radios chrétiennes on entend ça, et même dans les émissions chrétiennes, hein, ils enseignent toutes ces histoires-là. Et dans leurs livres aussi qu'ils écrivent, ils mentionnent ces choses-là au sujet de Isa. Et donc le cheikh dit: فسبب وقوعهم في هذا الكفر هو الغلو والعياذ بالله لأنهم لم يرتضوا أن يصفوا عيسى بأنه عبد الله ورسوله وإنما زادوا وقالوا إنه ابن الله جاء ليخلص الناس من الخطيئة وقتل وصلب من أجل أن يخلص الناس من الخطيئة ثم بعد قتله وصلبه قام وصعد إلى السماء. هذا كذب محض. Le cheikh il dit que la cause de et la raison pourquoi ils sont tombés dans le coffre, c'est parce qu'ils ont exagéré, ils ont été extrémistes dans leur croyance ou dans leur attitude envers Isa ibn Maryam. Et ils n'ont pas voulu se limiter à, ils n'ont pas été satisfaits de l'appeler Isa et de dire qu'il y a un serviteur d'Allah et un messager d'Allah, ils ont exagéré, ils ont rajouté et ils ont dit qu'il est un fils d'Allah et qu'il est venu pour effacer les péchés de l'humanité et qu'il a, comme il a été tué et crucifié et qu'il est venu pour effacer le péché des hommes. Et summa ba'da qatlihi, et après qu'il a été soi-disant tué et crucifié, il est monté aux cieux. Ça c'est la croyance des chrétiens aujourd'hui. Et le chef il dit que ça c'est un mensonge total. Et quand vous voyez les chrétiens aujourd'hui, vous pouvez discuter avec eux sur la religion et leur montrer la fausseté de leur croyance très facilement avec des arguments du Coran et de la Sunna et de la raison, de la logique et même des arguments des fois de leurs propres livres qui montrent qu'ils ont tort. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque dans l'attitude des chrétiens, malheureusement, c'est que ils sont pas honnêtes dans leur réponse envers les musulmans quand on leur prouve ou quand on leur démontre qu'ils ont tort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en général, si vous parlez avec des chrétiens, je ne parle pas des chrétiens qui ne sont pas religieux, qui ne pratiquent pas, qui ont rien à faire avec la religion. Ceux-là, c'est une autre situation avec eux. En général, vous pouvez discuter avec eux déjà d'autres fondements du tawhid pour leur expliquer. Par exemple, souvent, c'est des gens qui ne croient même pas en l'existence de Dieu, puis ils se disent chrétiens, d'accord, parce qu'ils ont été baptisés, puis ils sont nés dans une famille chrétienne, donc ils se disent chrétiens, même si, par tradition, c'est ça, même s'ils ne croient pas, puis ils ne pratiquent pas rien de leur religion. Mais il y a d'autres chrétiens qui sont, disons, ils sont nés chrétiens, puis ils croient en ça et ils pratiquent un peu quand même leur religion. Donc ceux-là, quand vous discutez avec eux, vous allez voir qu'ils ont, en général, ils n'ont pas d'arguments. Et ils se basent juste sur des formules, comme par exemple, Dieu est amour, hein, Dieu est pardon. Et donc, ils essaient d'appeler les gens en disant ces choses-là. Puis, qu'est-ce qu'ils font? En contrepartie, ils attaquent les musulmans à cause des actes qui se produisent actuellement dans le monde musulman, qui sont contraires à l'islam. Donc, ils voient des musulmans qui font des actes de terrorisme, qui tuent des innocents, et eux, ils utilisent ça comme si c'était un argument en leur faveur pour prouver que l'islam est pas bon et pour montrer que le christianisme est la vérité selon eux. D'accord? Et ça, c'est pas un argument. Parce que si des musulmans font des choses qui sont contraires à l'islam, ça veut pas dire que c'est en accord avec l'islam. Et donc, ça prouve pas que l'islam est mauvais, hein, puisque c'est faux qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, ceux qui font des actes de terrorisme et des choses comme ça. Ils essaient d'utiliser la religion pour se justifier, mais ils utilisent les choses en dehors de leur contexte, et ils les prennent à tort et à travers pour les appliquer de différentes façons qui sont contraires à l'islam. Donc ils n'ont pas d'argument en utilisant ces exemples-là, mais en même temps, par exemple, chez les chrétiens, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites dans l'histoire qui sont contraires aux enseignements des chrétiens eux-mêmes, hein, et ils ont fait bien pire, hein. Donc, dans la Bible, c'est écrit, soi-disant, que si quelqu'un te frappe une joue, tu dois montrer l'autre joue. Montrez-moi aujourd'hui les gouvernements des pays chrétiens qui appliquent cette règle. C'est eux qui sont en train d'écraser tous les pays dans le monde. Et puis après, ils disent tourner l'autre joue, et eux ils la tournent pas, hein. Ça c'est un exemple, mais le point que ce que je voulais faire, c'est ou le point que je voulais montrer, c'est que le fait d'essayer de discréditer la croyance d'un autre, ça prouve pas que ta croyance est vraie. C'est pas le fait que tu montres que quelqu'un d'autre est pas bon, ça veut pas nécessairement dire que toi tu es sur la vérité. Donc commence par prouver que qu'est-ce que tu crois c'est vrai toi, avant d'essayer de critiquer la croyance des autres. Ça c'est de un, d'accord. Et eux ils sont pas capables de prouver qu'est-ce qu'ils enseignent, leur croyance, que c'est la vérité. Et donc ils se basent sur ces affaires-là, sur l'amour, sur des discours émotifs, sur des sentiments, sur des émotions, mais rien de preuve, des arguments solides. Hein? Même pour prouver la Trinité, la seule chose qu'ils disent, c'est un mystère. On peut pas le comprendre, mais il faut y croire. Et donc ils se basent juste là-dessus. Et donc ils n'ont pas d'argument de solide, de preuve. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent, ils s'acharnent sur d'autres points. J'ai fait une conférence une fois dans une mosquée, il y avait des chrétiens qui sont venus pour écouter. Puis j'ai fait une présentation sur l'islam, j'ai expliqué le tawhid, les fondements, la ilaha illallah, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire l'islam. J'ai expliqué la foi en les messagers, la foi en les prophètes, les livres, j'ai expliqué les bases de l'islam. Et bien quand est venue la période de questions, sur quoi ils m'ont posé les questions, vous pensez? Sur les fondements de la foi, sur les fondements de l'islam, sur la croyance des musulmans? Non. Première question, qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce qui se passe en Algérie? Les gens qui tuent d'autres personnes. Qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce qui se passe en Afghanistan? Qu'est-ce que vous pensez de... Subhanallah, je fais une conférence, je parle de la foi, je parle des fondements de la croyance, je parle du tawhid. Vous me posez des questions sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec ça. Mais c'est comme ça qu'ils pensent qu'ils sont capables de justifier qu'ils sont sur la vérité, en essayant de trouver les fautes chez les musulmans. Hein? Donc, d'utiliser les mauvais comportements de certains d'entre les musulmans, ça ne justifie pas leur croyance. Si un musulman fume, ou boit de l'alcool, ou fait des péchés, est-ce que tu vas dire, ça c'est la preuve que le christianisme est la vérité? Il y a des chrétiens qui font ça aussi. Hein? Mais là, nous, on retourne aux enseignements et aux règles dans le Coran et dans la Sunna, puis on voit que ces choses-là, c'est pas correct, c'est interdit, c'est les principes qu'on regarde. On regarde pas les gens. Si on se basait sur qu'est-ce que les gens font pour juger la religion seulement, eh ben, sans prendre en considération les principes et les enseignements, ben, dans ce cas-là, personne accepterait l'islam. Peut-être certains diraient, ah, on n'accepte pas cette religion parce que les gens, certains musulmans, ils respectent pas. Mais il faut pas regarder qu'est-ce que les gens font. Il faut regarder les principes qui sont enseignés et essayer de les appliquer le mieux possible sur soi-même. Parce que quand tu vas arriver au jugement dernier, que tu vas être devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va pas te demander qu'est-ce que lui ou l'autre a fait. Il va te demander, toi, qu'est-ce que toi t'as fait? Qu'est-ce que l'autre a fait? C'est son problème à lui devant Allah au jugement dernier. Toi, ton problème, c'est toi, qu'est-ce que toi t'as fait? Chacun va être jugé individuellement. Même si nous, on est une umma, hein, la umma de l'islam, la umma des musulmans, aujourd'hui, on est tous des frères, on est tous une seule nation dans l'islam. Mais ça ne veut pas dire qu'au jugement dernier, on va tous être jugés ensemble, chacun va payer pour les autres, non. Chacun va payer pour qu'est-ce que lui, il a fait individuellement. Donc toi, si tu dis, par exemple un chrétien, tu lui montres les principes de l'islam, les fondements de la foi islamique et le tawhid, il est d'accord, il dit oui, ça c'est vrai. Alors, il te dit par la suite, ouais mais... dans les pays musulmans, il y a de la guerre, dans les pays musulmans, il y a ça, tu lui dis, oui, mais toi, tu as reconnu que c'est la vérité, tu l'as accepté, tu ne vas pas être jugé au jugement dernier par rapport à qu'est-ce qui se passe dans ces endroits-là et qu'est-ce que ces gens-là ont fait. Toi, tu vas être jugé pour toi, qu'est-ce que toi t'as fait, hein, par rapport à ton Dieu, par rapport à ta religion. Donc, concentre-toi sur toi, sauve-toi toi-même avant de penser à qu'est-ce qui se passe chez les autres. D'accord? Qu'ou anfusakum wa ahlikum. Hein? Sauve-toi et ta famille du feu de l'enfer. Donc, les gens aujourd'hui, c'est ça ce qui se passe, ils essaient d'utiliser l'égarement des autres comme une justification pour rester dans l'égarement eux-mêmes. Et ça, c'est une erreur. Hein? Donc, ça, c'est des fois, c'est des choubouhat que les gens vont utiliser pour essayer de s'encourager dans le mal ou dans l'égarement. الشيخ الذي هذا كذب محض كذبه الله ورده بقوله وما قتلوا عليكم السلام ورحمة الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فالذي قتل وصلب هو شخص غير المسيح ألقى الله شبه المسيح عليه فقتل وصلب لأنه خان قال ودل الكفر على مكان المسيح أما المسيح فإنه رفعه الله إليه ولهذا لم يجزموا أن الذي قتلوه هو المسيح بل قال تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم فالحاصل أن هذا هو غلو النصارى وأنهم مدحوا المسيح ورفعوه فوق منزلته حتى أبدوه من دون الله وادعوا فيه الربوبية بسبب العلو وعيسى رحمه الله يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا نعم donc juste un petit point avant de continuer l'explication de qu'est-ce que le chef nous dit il y a des groupes actuellement des musulmans et qui font des réunions avec certains chrétiens et ils appellent ça des groupes de dialogue entre musulmans et chrétiens et si vous allez dans ces rencontres c'est toujours les mêmes chrétiens qui rencontrent les mêmes musulmans en général et puis ils se rencontrent et qu'est-ce qu'ils font ils se frottent le dos les uns les autres ah oui les musulmans vous avez des bonnes choses et les chrétiens ils répondent ah oui les musulmans répondent ah oui vous les chrétiens vous avez des bonnes choses et ils disent il faut parler de ce qui nous unit il faut pas parler de ce qui nous divise hein et donc ils refusent toujours d'attaquer les principes et les fondements qui sont en contradiction avec la foi hein et donc qu'est-ce qu'ils veulent comme dialogue en réalité c'est juste de dire on s'accepte chacun de notre côté sur notre position les chrétiens restent sur leur shirk et leur kufr hein et ils nous disent ouais on vous accepte vous êtes correct pour que certains musulmans soient satisfaits de ça et sans les appeler à l'islam d'une façon claire et ouverte. Et moi, la journée que j'ai fait la présentation pour les chrétiens, je savais pas que c'était ce groupe de chrétiens-là qui était invité à l'activité ou à l'événement. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Moi, je pensais que c'était des chrétiens qui étaient venus comme ça par curiosité pour connaître sur l'islam. Mais en réalité, par la suite, on m'a informé, après la conférence, que ce groupe de chrétiens qui était là, c'est un groupe qui vient régulièrement à des réunions entre musulmans et chrétiens pour dialoguer. Mais bon, moi j'ai quand même mis les points sur les i, comme on dit, pour expliquer que nous, les musulmans, notre position c'est ça, notre croyance c'est ça, et on n'est pas d'accord avec vos croyances et vos principes, parce qu'elles sont contraires à la vérité. Et j'ai donné des arguments, hein. J'ai dit, c'est quoi la différence entre, c'est quoi la différence entre qu'est-ce que vous faites dans vos églises avec vos statues et vos images et vos croix, et qu'est-ce que les hindous font dans les temples hindous quand ils adorent les statues des autres divinités. Et là, ils se disent, non, c'est pas la même chose. Et là, ils disent, mais c'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que les hindous disent Dieu s'est incarné en plusieurs êtres humains et ou en des animaux, et vous dites non, il s'est incarné juste dans un être humain. C'est la seule différence. C'est le nombre et la quantité. Mais sinon, le fond de qu'est-ce que vous faites, c'est la même chose que qu'est-ce que font les hindous. Donc, vous les traitez d'idolâtres et vous faites la même chose qu'eux. Alors, vous êtes des idolâtres vous aussi. C'est pour ça, pour nous, qu'est-ce que vous faites, c'est de l'idolâtrie. Pour nous les musulmans, qu'est-ce que les chrétiens vous faites comme religion? C'est de l'idolâtrie, c'est du shirk, hein, c'est pas du monothéisme. Et donc, vous n'êtes pas des monothéistes. Et allez, donc c'est juste un point en passant pour dire que ces groupes de soi-disant de dialogue, ils n'appellent pas les chrétiens à l'islam. Et ils pensent que simplement en étant gentil avec des gens, ça va les amener à la vérité. Ça suffit pas juste d'être gentil. Que les gens disent, oh, t'es gentil, puis on est tous gentils, puis tout le monde est gentil. Même le shaitan, il est gentil, hein, quand il veut t'égarer. Eux, ils utilisent des ruses contre les musulmans, puis eux, ces musulmans-là, ils pensent qu'ils peuvent ruser eux aussi. Et utiliser ces méthodes de soi-disant diplomatie, avec eux, mais c'est plus plutôt un peu hypocrite vraiment. Bon, pour en revenir à la parole du Cheikh Al-Fawzan au sujet de l'extrémisme des chrétiens, Allah subhanahu wa ta'ala a démenti la croyance des chrétiens au sujet de Jésus. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ils ne l'ont pas tué et ils ne l'ont pas crucifié, mais ça leur a été, ils ont eu l'impression que c'est ça ce qui est arrivé, mais en réalité c'était pas ça. Parce que la personne qu'ils ont tué et qu'ils ont crucifié, c'était une autre personne, c'était pas Al-Masih, c'était pas Jésus. Ils ont attrapé quelqu'un d'autre à sa place. Celui qu'ils ont attrapé, c'était celui qui avait essayé de trahir Isa ibn Maryam et qui avait essayé de le dénoncer. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis sa ressemblance. Hein, et il a été élevé aux cieux. Isa, il a été élevé aux cieux. Tandis que l'autre s'est fait attraper et c'est lui qu'on a crucifié et qu'on a tué à sa place. Et les chrétiens eux-mêmes ne sont pas certains de rien en ce qui concerne la mort ou le meurtre de Isa. Ils ne font que suivre des conjectures. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ. Ils n'ont pas de science à ce sujet-là. Hein, ils sont dans un doute à ce sujet-là. Et même les rapports qu'ils ont dans les quatre évangiles, il n'y a pas une authenticité sur ces évangiles-là qui peut enlever le doute au sujet de cette histoire. Et eux-mêmes, ils ne peuvent pas le savoir en fait, si Isa a été monté aux cieux et que quelqu'un d'autre que lui a pris sa place ou a été pris à sa place. Et bien ça c'est quelque chose que Allah a fait, et eux ils peuvent pas le savoir, c'est des êtres humains, c'est les apôtres, soi-disant ceux à qui on attribue ces quatre évangiles-là, ils ont écrit selon les témoignages ou qu'est-ce qu'ils ont entendu, et donc ils sont dans le doute, ils peuvent pas savoir avec certitude, mais le Coran nous dit avec certitude qu'il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. ولكن شبه لهم ils ont eu l'impression de ça, mais c'était pas ça qui s'est passé vraiment. Donc c'est ça ce qui se passe, les chrétiens ont exagéré au sujet de Isa, hein, et ils l'ont élevé plus haut que son degré ou plus haut que son niveau, et ils l'ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont prétendu qu'il possède un niveau de divinité et de souveraineté, hein, et ça c'est sans aucun doute de l'extrémisme de leur part. Et Isa, rahimahullah, on peut dire ça même pour un prophète, mais alayhi salam aussi, mais aussi rahimahullah, parce que c'est un bon dua, mais le cheikh il a dit ça, يقول إني عبد الله, il dit, Isa, il dit, Allah il mentionne les paroles de Isa dans le Coran, en disant que Isa a dit, je suis un serviteur d'Allah, Allah m'a donné le livre et il a fait de moi un prophète. Et il m'a rendu béni, où que je sois, et il m'a ordonné de faire la salat et de donner la zakat tant que je suis en vie. Wa fi yawm al-qiyama yatabarra'u min ha'ula. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق فالعبادة حق الله ليست حقا لمخلوق ما يكون لي ما ينبغي ولا يليق ولا يصح أن أقول ما ليس لي بحق لأن العبادة حق الله ثم رد ذلك إلى الله إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب والله يعلم سبحانه أن عيسى عليه السلام لم يقل هذه المقالة وإنما هذا من باب التوبيخ لهؤلاء ثم قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم نعم هذا تصديق للمسيح عليه السلام على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حينما يجتمع الأولون والآخرون يوم القيامة فهذا مآلهم والعياذ بالله وهذا موقف المسيح صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة أنه عبد الله ورسوله ليس له من الربوبية شيء ولا يستحق من العبادة شيئا وإنما العبادة حق لله وحده لا شريك له وإذا كان المسيح ليس له حق في العبادة ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس له حق في العبادة وجميع الرسل فكيف بغيرهم من الأنبياء والصالحين نعم donc le cheikh il dit ici que au jugement dernier Isa alayhi salam il va se désavouer de tous ceux qui l'ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont fait le shirk avec lui et qui ont prétendu qu'ils suivaient Isa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire au jugement dernier, « Oh Isa, est-ce que c'est toi qui as ordonné aux hommes de me prendre, de te prendre, est-ce que toi t'as dit aux hommes, prends-moi ainsi que ma mère ?» Prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah. Et Isa va répondre, gloire à toi, il ne m'appartient pas, c'est-à-dire je n'ai aucun droit de dire une chose pareille. Hein, c'est-à-dire je n'ai aucun droit de dire une chose pareille, parce que le droit de l'adoration, c'est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala le possède. Et le cheikh dit ensuite, parce que après il mentionne la parole comme si que Isa il va dire à Allah, oh Allah, si tu l'avais dit, si j'avais dit ça aux hommes, tu l'aurais su, tu sais ce qu'il y a en moi, et moi je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu vois? Donc c'est pour leur dire, et toi, yani, je ne l'ai jamais dit, et si je l'aurais dit, tu l'aurais su. Hein? Et tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et c'est pour montrer qu'il est serviteur d'Allah comme tous les autres êtres humains. Hein? Et c'est toi qui connais l'invisible. Et Allah, il sait, certes, que Isa n'a jamais dit une telle parole. Mais Allah lui demande cette question devant tous les créatures au jugement dernier. Imaginez un peu la scène. Hein? Imaginez un peu de quoi ça peut avoir là. Tous les êtres humains qui ont vécu sur terre vont être réunis là, tous. Et là, ils entendent Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse à Isa, et à Isa qui répond et qui se désavoue de tous les gens qui ont adoré Isa en dehors d'Allah. Hein, et qui dit ça devant tout le monde, tous les chrétiens, les êtres humains, les autres. Il va dire, non, j'ai jamais dit ça. C'est pas vrai. Ceux qui ont fait ça, ils ont menti, j'ai jamais dit ça. Hein? Et, Allah, il sait que Isa ne l'a jamais dit, mais c'est pour en même temps mettre le blâme et l'humiliation sur ceux qui prétendaient cette chose-là. Hein, comme ça, ils n'ont plus d'arguments. Et là, par la suite, Isa, il dit, je ne leur ai dit uniquement ce que toi tu m'as ordonné de leur dire, d'adorer, de t'adorer toi seul, hein, أن يعبدوا الله ربي وربكم d'adorer Allah mon Seigneur et votre Seigneur mon Rab et votre Rab et j'étais témoin de qu'est-ce qu'ils faisaient lorsque j'étais en vie parmi eux mais lorsque tu m'as fait monter aux cieux alors là c'était toi par la suite qui était celui qui les surveillait hein, qui était un raqib sur eux et certes, tu es témoin de toute chose. Si tu les punis, ce sont tes serviteurs, et si tu les pardonnes, alors certes, tu es le Tout-Puissant et le Sage. Et Allah va dire, voici le jour où ceux qui ont été sincères seront, ça va leur profité, le fait qu'ils ont été sincères dans cette vie, eh bien, leur sincérité va leur profiter ce jour-là. Ça c'est dans Sourate Al-Ma'ida, le verset 117 à 119. Après, le Cheikh il dit, et donc ça c'est, ça c'est le fait que Isa alayhi salam, il dit devant toutes les créatures au jugement dernier, tous les êtres humains sont réunis du premier au dernier, hein, devant Allah subhanahu wa ta'ala, et il se désavoue de tous ceux qui ont menti contre lui, qui ont adoré Isa, qui ont dit qu'il était fils de Dieu, ou qu'il était Dieu, ou qu'il était un salif ou salata, ou une trinité. Il va se désavouer de tous ceux-là. Hein. Et « وَهَذَا مُوْقِفُ الْمَسِيحِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » Donc ça c'est la position de Isa. Dans, quand il était vivant, comment, qu'est-ce qu'il disait aux hommes, et qu'est-ce qu'il va dire aux hommes, et devant Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Non, c'est, on a changé l'heure hier. Maintenant, c'est à 7h30. Bon, après, inch'Allah, c'est mieux. Barakallahu fik. La yastahiqu min al-ibadati shay'an. Que Isa, il ne possédait pas rien de la divinité, et il ne méritait pas du tout l'adoration. Et l'adoration, c'est un droit qui est exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'a pas de partenaire dans sa, dans son adoration. Et si Isa n'a pas le droit à l'adoration, et si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas droit non plus à l'adoration, dans ce cas-là, aucun autre être humain n'a droit à l'adoration. Hein? Parce que ce sont les meilleurs parmi les êtres humains. Donc si eux n'ont pas droit à l'adoration, personne n'a droit à l'adoration. Et un point aussi à propos de ce que je mentionnais aussi à, tout à l'heure, à propos des gens qui appellent au dialogue avec les chrétiens, souvent une autre raison pourquoi ils ne les réfutent pas, pourquoi ils ne disent pas à ces chrétiens-là « votre croyance elle est fausse, vous êtes dans l'égarement », c'est parce que certains de ces musulmans-là ont la même aqida que les chrétiens. Ils croient aussi au, ils adorent les awliyas, et ils invoquent les tombes, et ils adorent les tombes. Donc, si eux, ils ont la même, le même shirk que les chrétiens, comment ils vont dire aux chrétiens, vous êtes des mouchriquins? Ils peuvent pas. Alors, à cause de ça, ils font des compromis avec eux dans la religion, puis ils disent, il faut se réunir, puis il faut s'unir sur qu'est-ce qu'on est d'accord. Et ils sont d'accord avec eux sur le shirk. Alors, ils vont dire, on va se réunir sur qu'est-ce qu'on est d'accord. Ils sont d'accord avec le shirk. C'est pour ça qu'ils se réunissent ensemble. Mais s'ils ne sont pas d'accord avec le tawhid, comment on peut se réunir avec eux? Comment on peut être satisfait de leur croyance? Ça, c'est pas permis, hein. Et en plus, ils nient la foi en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils nient la foi en le Coran. Donc, comment tu peux dire par la suite, on va se réunir sur qu'est-ce qu'on est d'accord? On n'est pas d'accord sur la base, comment on peut être d'accord sur le reste, hein? C'est contradictoire. Si on était d'accord sur la base, sur les fondements, sur les principes, d'accord. On peut peut-être dire, bon, certains désaccords, si c'est dans les choses comme entre musulmans, des fois on a des petits désaccords sur certaines questions, des jihad ou des choses comme ça, ça c'est correct. Mais si on est en désaccord sur les fondements de l'islam, tawhid, sunnah, sur le sunnah, ça il n'y a pas de compromis possible, d'accord. Donc ça c'est important de bien comprendre. Après le cheikh il dit, ففي هذا الحديث دليل على ما ساقه المصنف من أجله وهو أن الغلو في الصالحين يسبب كفر بني آدم وتركهم دينهم وفي هذا شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته حيث حذرهم مما وقعت فيه النصارى في وفيه النهي عن التشبه بالكفار ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله إنما هذه كلمة حصر أي أن شأني ومكانتي أنني عبد الله سبحانه وتعالى ليس لي من الربوبية شيء والعبد لا يغلى فيه ويطرى ويرفع فوق منزلته. Donc le cheikh il dit que dans ce hadith que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné, on voit la cause de, pour laquelle il a établi ce chapitre, c'est de montrer qu'il ne faut pas exagérer au sujet des hommes pieux, et que le fait d'exagérer au sujet des hommes pieux, c'est ça qui a fait tomber plusieurs parmi les êtres humains dans le coup, et qui a fait en sorte qu'ils ont abandonné leur religion, à cause de l'exagération au sujet des hommes pieux et des prophètes. Et ça, ça montre en fait, disons, l'attention et l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pour sa umma, parce qu'il les a avertis des problèmes et des erreurs dans lesquelles sont tombées les autres nations avant nous. Hein, donc c'est pour nous prévenir de ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Comme on dit, as-sa'idu man wu'iza bi ghayrihi, hein, il est heureux celui qui a pris une bonne leçon des erreurs des autres. Hein, et donc, on a eu les erreurs des, on a dans le Coran les erreurs des juifs et les erreurs des chrétiens et les erreurs des autres nations avant, pour que nous on fasse pas les mêmes erreurs qu'eux. Donc, on doit prendre des leçons de leurs erreurs. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de musulmans qui ne prennent pas de leçons des erreurs des autres nations qui ont vécu avant nous, et qui suivent ces erreurs-là, pas à pas, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Donc c'est ça ce qui est dommage. Et dans ce hadith-là, il y a aussi l'interdiction d'imiter les kuffars, hein, ça on peut le comprendre. Et aussi, par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, « Je ne suis qu'un abd », c'est-à-dire « Je ne suis qu'un esclave, un serviteur d'Allah ». Alors dites « Abdullah wa Rasuluh », yani dites « Serviteur d'Allah » ou « Messager d'Allah ». Mais dites pas d'autres choses comme les chrétiens, comme ils exagèrent. Sinon tu risques de tomber dans le shirk, comme les chrétiens ont exagéré à propos de leur prophète, et les juifs aussi. Yani, n'exagérez pas à mon sujet, ne m'élevez pas à un niveau ou un statut plus haut que celui dans lequel Allah m'a placé. Je n'ai rien de la divinité, hein, je ne suis pas une divinité, je ne mérite pas l'adoration, donc exagérez pas à mon sujet, mais élevez-moi pas non plus à un niveau plus haut que le niveau que Allah m'a placé. فقول عبد الله ورسوله أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أن نقول فيه الكلام الواقع واللائق به سبحانه صلى الله عليه وسلم وهو أنه عبد الله أنه عبد الله ورسوله فدل هذا على أنه يمدح صلى الله عليه وسلم بصفاته من غير زيادة ومن غير نقص وهي العبودية والرسالة والله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه عبد في كثير من الآيات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في مقام التنزيل قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وفي مقام الإسراء قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وفي مقام التحدي وصفه الله بالعبودية قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dites que je suis un serviteur d'Allah et un messager, son messager. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette parole-là, il nous indique de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de dire la réalité au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la réalité qui lui convient. Hein? C'est-à-dire qu'il est un serviteur d'Allah et un messager d'Allah. Ça, c'est la vérité. Si tu dis ça, tu l'as glorifié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et tu n'as pas exagéré à son sujet. Et donc, le cheikh, il dit qu'on le glorifie, sallallahu alayhi wa sallam, par ses caractéristiques à lui, sans rajouter ni enlever. Wa alaykum salam. Donc on n'ajoute pas puis on n'enlève pas. Et ces deux caractéristiques-là, c'est quoi? Al-Ubudiyya wa Al-Risala. Al-Ubudiyya, le fait qu'il est un serviteur, un esclave d'Allah, et Al-Risala, qu'il est un messager, qu'il a un message. Donc c'est par ces deux caractéristiques-là que Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Et donc ça c'est un honneur d'être un serviteur, d'être un esclave d'Allah, c'est une erreur. C'est un honneur, alhamdulillah. D'être un serviteur d'Allah, un esclave d'Allah, c'est un honneur. C'est ce que je voulais dire. Parce que si un être humain dans la dunya, il est un esclave d'un autre être humain, ça c'est pas un honneur. Si tu dis toi t'es l'esclave de telle personne, ça c'est pas un honneur. C'est une sorte de humiliation. Parce que tu es esclave d'un être humain. Mais si tu dis Abdullah, ça c'est un honneur. Parce que c'est Allah le Créateur. Et donc si tu es son esclave, c'est un honneur pour toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il honore ses messagers en les appelant des esclaves. Ses esclaves. Donc c'est une façon de les honorer, de les glorifier. Et comme on avait expliqué, il y a deux formes de ubudiyya. Ubudiyya kawniya ou ubudiyya shar'iyya. On expliquait qu'il y a deux formes de ubudiyya. Ubudiyya kawniya, dans le sens qu'on est tous, d'une certaine façon, que ce soit les musulmans ou les kuffars, des esclaves d'Allah, d'une certaine façon, parce que on est tous soumis aux lois et aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Les lois physiques et autres qui existent dans l'univers, c'est les lois d'Allah, on est tous soumis à ça, qu'on soit musulman ou non musulman. Ça c'est une ubudiyya qui est kawniya. Il n'y a pas de glorification là-dedans. Il n'y a pas de glorification là-dedans, parce que même les kuffars ils rentrent là-dedans, même les animaux ils rentrent là-dedans, même les arbres et le soleil et la lune ils rentrent là-dedans. Donc il n'y a pas de madh là-dedans. Mais al-ubudiyya al-shar'iyya, c'est là-dedans qu'il y a un madh. C'est lorsque tu deviens serviteur d'Allah en te soumettant à ses lois et à ses règles. Là, il y a un madh, là, il y a une glorification là-dedans. Et c'est de cette glorification-là qu'on parle ici dans ce vers, dans ces explications ici. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par en le glorifiant par al-ubudiyya. Surtout en parle dans les plus, même dans les contextes les plus importants, comme la révélation, par exemple, ou Al-Isra ou Al-Mi'raj, ou dans les défis ou les défis qu'il lance aux mouchriquins, eh bien il s'adresse ou il parle du messager d'Allah en l'honorant par le terme ou par le fait qu'il est un serviteur. Donc il mentionne les versets comme louange à celui qui a fait descendre sur son serviteur le livre, qui a fait descendre le livre sur son serviteur, ou bien qui a fait descendre le Furqan sur son esclave, sur son serviteur, pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Et donc il donne beaucoup d'exemples comme ça, ou pour Al-Isra, il dit gloire à celui qui fait voyager son serviteur durant la nuit de la mosquée à la Mecque, Al-Haram, jusqu'à la mosquée de Al-Aqsa. Ça c'est dans Surat Al-Isra, le premier verset. Après, dans Al-Mi'raj, dans Surat Al-Najm, versets 8 à 10, il mentionne la notion, il mentionne cette occasion-là de Al-Mi'raj, quand Allah a élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au dernier des cieux. Il l'appelle son serviteur à ce moment-là. Fa'awha ila abdihi ma'awha. Et dans le fait qu'il a aussi lancé le défi aux mouchriquins de produire quelque chose qui ressemble à une sourate dans le Coran. Et il a dit donc, il a appelé le prophète en disant Abdina, notre esclave, notre serviteur. ففي قوله عبد الله رد على الغلاة الذين يغلون في حقه صلى الله عليه وسلم وفي قوله رسوله رد على المكذبين الذين يكذبون برسالته صلى الله عليه وسلم المؤمنون يقولون وهو عبد الله ورسوله يعني tantôt j'ai mentionné le point de العبودية الكونية والعبودية الشرعية Ibn Taymiyyah, il a un livre qui s'appelle Al-Ubudiyya, il a un livre qui s'appelle Al-Ubudiyya, il parle de ça, et il mentionne que les soufis, pour eux, le but ultime dans Al-Ubudiyya, c'est d'atteindre Al-Ubudiyya Al-Kawniyya. C'est-à-dire l'Ubudiyya, le fait d'être un esclave d'Allah dans la création, et il n'y a pas de glorification là-dedans. Mais pour eux, c'est ça le top, comme s'ils s'imaginent que c'est ça le but de Al-Ubudiyya. Parce que eux, ils croient en Wahdat al-Wujud, puis des choses comme ça. Donc, ils s'imaginent que c'est, en tout cas, c'est toutes sortes de, une aqida vraiment bizarre. Mais si vous avez la chance de lire Al-Ubudiyya, je pense qu'il a été traduit en français, vous allez voir l'explication à ce sujet-là, Inch'Allah. Peut-être même on aura l'occasion de faire un dars sur ce livre-là, peut-être, dans l'avenir, Inch'Allah. Ok, ففي قوله عبد الله رد على الغلاة. Donc quand le prophète صلى الله عليه وسلم dit عبد الله, quand il dit appelez-moi serviteur d'Allah ou esclave d'Allah, ça c'est pour réfuter ceux qui exagèrent au sujet du prophète صلى الله عليه وسلم, qui veulent l'élever plus haut que son niveau. Et وفي قوله رسوله رد على المكذبين الذين يكذبون برسالته صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يقولون عبد الله ورسوله. Donc dans le quand le prophète صلى الله عليه وسلم dit le messager d'Allah, ça c'est pour réfuter les autres qui nient son message et qui nient qu'il est le messager d'Allah. Donc il y a dans ces deux noms là عبد الله ورسوله, il y a les réfutations des deux groupes, ceux qui veulent l'exagérer et l'élever à un niveau trop plus haut que celui qu'Allah lui a donné, et ceux qui veulent le dénigrer et le rabaisser plus bas que son niveau dans lequel Allah l'a placé. Donc il y a la réfutation des deux extrêmes. Parmi les musulmans et parmi les non-musulmans aussi. Donc c'est ça. Et la même chose pour les chrétiens aussi à propos de Isa. Il est Abdullah wa Rasuluhu pour réfuter les deux extrêmes. Et wahada وجه الجمع بين هذين اللفظين وفيهما ردا على أهل الإفراط وأهل التفريط في حقه صلى الله عليه وسلم, وفيه رد على الذين غلوا في مدحه صلى الله عليه وسلم من أصحاب القصائد كقصيدة البردة والهزيمة وغيرها من القصائد الشركية التي غلت في مدحه صلى الله عليه وسلم حتى قال البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فنفى الله ثم قال إن لم تكن في مآدي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم نعم يعني ما ينجيه من النار يوم القيامة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم الدنيا والآخرة كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم أما الله فليس له فضل وهل بعد هذا الغلو من غلو واللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير هذا بعد علم النبي صلى الله عليه وسلم ونفى الله تماما والعياذ بالله وكذلك من نهج على نهج البردة ممن جاء بعده وحكاه في هذا الغلو هذا كله من الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإطراء أما المؤمنون فيمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه من الصفات الحميدة والرسالة والعبودية كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما عليه شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين مدحوه وأقرهم مثل حسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة وغيرهم من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين مدحوه بصفاته صلى الله عليه وسلم وردوا على الكفار والمشركين وهذا هو المدح الصحيح المعتدل الذي فيه الأجر وفيه الخير وهو وصفه صلى الله عليه وسلم بصفاته الكريمة من غير زيادة ولا نقصان. Donc le cheikh ici par la suite il termine cette partie de l'explication du hadith en mentionnant les exagérations de certains groupes parmi les soufis qui exagèrent dans la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leurs poèmes. Ils écrivent des poèmes, hein, qasaïd, et des chansons qu'ils récitent chaque année lors de la bid'a de Mawlid al-Nabawi, et ils récitent ces poèmes-là, soi-disant pour glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté que dans ces poèmes-là, il y a des exagérations, il y a des formes de rouleau, il y a des formes de shirk dans ces poèmes, et ça c'est très grave, c'est très dangereux, d'accord. Et il mentionne des exemples, comme par exemple un des poèmes qui est très connu, qui est très célèbre dans le monde musulman, qui est récité régulièrement dans les fêtes qu'ils font, c'est la qasida de Al-Burda, ou une autre qui s'appelle Al-Hazima aussi, et il y a des formes de shirk dans ces poèmes-là, et c'est écrit par un qui s'appelle Al-Busayri, et il dit dans ce poème, « Ya akram al-khalq, ma li man alouzu bihi siwaka inda hulul al-hadith al-imami » Il a oublié Allah subhanahu wa ta'ala, il a oublié Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Ô toi la plus noble des créatures, je n'ai personne en qui chercher refuge autre que toi. » Je n'ai personne en dehors de toi vers qui je dois chercher refuge lors de la grande événement au jugement dernier. Et si tu n'es pas là pour me tenir la main, « Il lam takun fi ma'adi akhizan biyadi fadlan illa faqul ya zallat al-qadami » C'est-à-dire, si tu n'es pas là pour me prendre par la main ce jour-là, au jugement dernier, ça y est, je suis fini, je vais aller dans l'enfer. Et donc, il a oublié Allah subhanahu wa ta'ala complètement. Et il croit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers qui on peut demander le refuge. On n'a pas le droit de demander à une créature, à un être humain, de nous protéger. Yani, dans quelque chose qu'il ne peut pas faire. Hein, en particulier dans les choses de l'akhirah, de nous protéger. Comme par exemple, je ne peux pas dire à un frère ici, protège-moi au jugement dernier. Hein. Et si quelqu'un est mort, encore moins, il ne peut pas encore moins faire quelque chose pour toi. D'accord? Donc, ça c'est shirk de demander des choses comme ça. Ça c'est une forme de shirk akbar qui fait quitter quelqu'un la religion de l'islam. Parce que c'est une ibada de faire al-isti'aza, hein, par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu demandes la protection du châtiment de l'enfer uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit de demander la protection du châtiment de l'enfer à personne d'autre que Allah, ni aux anges, ni aux prophètes, hein, alayhi salatu wa salam, ni aux autres créatures, parmi les hommes pieux ou les saints ou autres. Donc on voit que ça c'est une grave parole qui est enseignée dans ces livres-là. Et aussi, il dit « وَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْشِ وَالْقَلَمِ » Donc parmi tes générosités, tes merveilles, il y a cette dunya et l'akhira. Donc c'est le prophète, il attribue ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit parmi ta science, des choses, qu'est-ce qui fait partie de ta science? La science de la plume et de l'ouh ou al-qalam. L'ouh c'est les tables préservées, l'ouh al-mahfouz et al-qalam. Donc il attribue cette science-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que ça c'est une partie de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc il a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donné la science, la science qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est pas permis bien entendu de faire ça, c'est une forme de shirk, de donner à une créature une attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, une attribut qui est exclusive à Allah, de connaître al-ghayb. On n'a pas le droit de dire qu'une créature connaît al-ghayb, ok? عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إلا من ارتضى من رسول. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaissait pas al-ghayb. Il n'y a personne qui connaît al-ghayb. Même il y a un verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il fait dire au prophète que si je connaissais le khayr, ma massaniyassou, l'astaktartu min al khayr wa ma massaniyassou. Donc ça veut dire, si je connaissais le khayr, j'aurais fait en sorte qu'aucun mal ne me touche et que tout le bien m'arrive. Et la preuve qu'il n'avait pas la connaissance du khayr, la bataille de Uhud, il a été blessé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et yani, donc ça c'est la preuve, même il y a une de ses dents qui a été cassée et le sang qui a coulé dans son visage, donc si il connaissait le rêve, il aurait évité ça, hein. Mais donc ça c'est un des exemples pour montrer ça. On n'a pas le droit d'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam la connaissance du rêve, ni à aucune autre créature. Et donc ça c'est un point très important. Et après, le cheikh il dit qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça dans des sortes de qasaïd, comme Al-Burda ou d'autres, qui exagèrent au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui glorifient le prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon exagérée. Mais les mu'minoun, les croyants, eux, ils n'exagèrent pas. Ils glorifient le prophète sallallahu alayhi wa sallam en mentionnant ses caractéristiques. Et c'est caractéristique comme Ar-Risala ou l'Ubudiyya, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abd, faqulu abdullah wa rasuluh. Donc on le glorifie en mentionnant qu'il est abdullah wa rasuluh, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire ça. Et il y a parmi les soufis qui disent, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était modeste, il voulait pas dire aux gens de le glorifier, donc il disait ces choses-là d'une façon indirecte, comme s'il voulait pas. Il voulait qu'on le glorifie, mais il le disait pas directement, donc il utilisait la modestie. Mais ça, c'est un mensonge, je viens contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yastahi min al-haq. Il a dit dans plusieurs hadiths, ana akhshakum wa atqakum lillah, wa la fakhr. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. Il disait toujours des choses comme ça. S'il doit dire la vérité, il l'a dit. Il n'est pas gêné de dire la vérité. Et s'il devait dire aux gens glorifiez-moi, il allait dire si c'était le haq. Mais étant donné que c'est pas permis de faire ça, il l'a interdit. Et il a expliqué que les chrétiens sont tombés dans le shirk et le kufr à propos de Isa ibn Maryam, en exagérant dans sa glorification, et là ils sont arrivés à dire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu incarné, qu'il est trois en un avec Dieu ou je sais pas quoi, et ça c'est un rouleau qui les a poussés à tomber dans ces formes d'exagération dans la religion. Et il y en a, la même chose peut arriver avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et effectivement c'est arrivé parmi certains des gens qui se disent musulmans, ils ont exagéré au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam à un tel point qu'ils l'ont élevé et glorifié à un niveau comme une partie de, comme s'il est divin, comme s'il a une part de la divinité. Et ils adorent même d'autres hommes en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les hommes qu'ils appellent les awliya, les asyad, et ils vont à leur tombe et ils les adorent en dehors d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça c'est fait soi-disant parce qu'ils aiment et ils respectent les salihins, et ils font les shirk, parce qu'ils exagèrent à leur sujet. Donc, le cheikh dit qu'il y a eu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam des poètes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé de leur poésie. Quand ils ont parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas exagéré dans la glorification. Ils ont glorifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les limites de ce qui est permis dans l'islam. Comme par exemple, ils mentionnent Hassan ibn Thabit, Ka'b ibn Malik, Ka'b ibn Zuhair, Abdullah ibn Rawaha et d'autres aussi qui étaient des poètes qui réfutaient les mouchriquins. Quand les mouchriquins disaient des choses contre l'islam ou contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux ils répondaient aux mouchriquins avec des poésies, et pour leur montrer que l'islam c'est la vérité, et pour répondre aux mensonges que les mouchriquins inventaient contre l'islam et contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre les musulmans. Donc et même une fois il y a c'est mentionné dans certains livres qu'il y avait un walima, et il y a des parce qu'on sait que dans les walaim et les fêtes de mariage, c'est permis pour les femmes et les petites filles de jouer le douf, de frapper le douf et de chanter des chansons. Alors, il y avait une petite fille qui chantait une chanson, puis elle parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a dit « Wa ya'lamu ma fi ghadi » ou quelque chose comme ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé, et lui a dit, il lui a répondu en voulant dire « Ne dis pas ça parce que personne ne sait qu'est-ce qu'il y a demain, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. » ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت. Donc personne ne sait qu'est-ce qui va arriver demain. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas ce qui va arriver demain, excepté si c'est une information particulière que Allah lui a révélée au sujet d'une chose particulière. Ça c'est une révélation, mais il connaît pas le rêve en général. D'accord. وهذا هو المدح الصحيح المعتدل الذي فيه الأجر وفيه الخير وهو وصفه صلى الله عليه وسلم بصفاته الكريمة من غير زيادة ولا نقصان. Donc c'est ça, de cette façon là qu'on doit le glorifier d'une façon qui est modérée, sans exagérer, c'est-à-dire sans rajouter et sans en enlever non plus. Et quand on fait ça, bien sûr, il y a une récompense pour nous et il y a du bien en faisant ça. Et c'est de parler du prophète صلى الله عليه وسلم en mentionnant ses caractéristiques, hein, et ses nobles caractéristiques et ses descriptions, sans rajouter d'exagération et sans enlever. C'est pour ça il y a deux livres que des ulamas ont écrit pour réfuter les deux extrêmes. Il y a un livre qui est écrit par Ibn Taymiyyah qui s'appelle As-Sarim al-Maslul ala Shatim al-Rasul. Un livre que Ibn Taymiyyah a écrit pour réfuter ceux qui ont insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un autre alim qui s'appelle Mohammed ibn Qasim al-Najdi, si je ne me trompe pas, il a écrit un livre qui s'appelle As-Sayf al-Maslul ala Abid al-Rasul, pour réfuter ceux qui exagèrent au point qu'ils adorent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'a pas le droit de l'insulter, on n'a pas le droit de l'adorer non plus, ni un ni l'autre, hein. Donc alhamdulillah. Donc on va s'arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.